Je vous invite à vous tourner avec moi dans le livre du 2 Samuel au chapitre 8. Please turn to the book of 2 Samuel chapter 8. Cela fait pratiquement 3 semaines que nous avons laissé notre étude suivie dans le livre de 2 Samuel. It's been about 3 weeks that we began this study of ours in 2 Samuel. Je vous rappelle que nous sommes arrivés au moment dans la vie de David où il règne enfin sur tout Israël. And you remember we're arriving at the point in David's life where he is ruling over all of Israel. Il semble que le chapitre 8 en fait pourrait être chronologiquement avant le chapitre 7 que nous avons déjà vu. And chapter 8 could be chronologically before chapter 7 which we have already studied. Parce que le chapitre 7 nous parle d'un roi David qui est en paix, qui a vaincu tous ses ennemis. Because chapter 7 talks about a king David living in peace who has conquered all of his enemies. Je vous rappelle qu'il a le temps de réfléchir un peu. Il se dit en fait j'ai un beau palais et l'arche de l'alliance est toujours sous une tente. You remember he had time to reflect a little bit and he realized the Ark of the Covenant was still in a tent. Et lorsqu'il fait part de son projet de construire un temple magnifique pour la maison de l'Éternel, and when he shared his plan to build a magnificent temple for the Ark of the Covenant, le prophète Nathan a une parole de l'Éternel pour lui. The prophet Nathan had a word of the Lord for him. Qui lui dit qu'en fait, ce ne sera pas à lui de construire ce temple, mais ce sera à son fils. Telling him that he would not be the one to build the temple, it would be his son. Et comme souvent, lorsque Dieu dit non à nos prières, à nos requêtes. And often, when God says no to our prayers, to our requests. C'est parce qu'il veut dire oui à quelque chose de mieux encore. It's because he wants to say yes to something better. Et il dit à David en l'espèce que c'est pas David qui va construire une maison pour Dieu. And so he tells David it's not going to be David who builds the house for God. Mais c'est Dieu qui va construire une maison pour David et une maison qui sera éternelle. But it's going to be God building a house for David and an eternal house. Et je veux vraiment vous encourager avec ce rappel que lorsque Dieu vous dit non, and Pierre wants to encourage us that when God tells us no, sachez qu'il a, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux en vue. Know that he has something better in view. On l'a vécu en tant qu'assemblée d'église. We have experienced as a church. Nous avons cherché pendant de nombreuses années un local à acheter ou à utiliser de façon permanente. For several years for a facility to rent or to buy. Et à chaque fois que nous trouvions un local, ça n'allait pas jusqu'au bout. And each time we found a facility, we never were able to accomplish it. Le propriétaire, lorsqu'il apprenait qu'en fait nous étions une église évangélique, il se disait, je veux pas d'une secte dans mes locaux. The owner, when he discovered we were an evangelical church, didn't want a cult in his facility. C'était après coup, on s'est aperçu que c'est parce que le Seigneur avait un meilleur endroit pour nous. And afterwards, we realized it was because the Lord had a better place for us. Quand je passe devant les endroits que nous voulions tellement obtenir, and when Pierre goes by the places we so long to obtain, je dis merci Seigneur. He says thank you Lord. On aurait été perdu dans une rue sans parking. We would have been lost in a little street with no parking. À côté de 2 ou 3 autres églises évangéliques. Right next door to 2 or 3 other evangelical churches. Avec un tout petit local. With a tiny little facility. Et je dis merci Seigneur de ne pas avoir dit oui lorsqu'on priait avec tant d'insistance. And he thanks the Lord for not having said yes when we so prayed to obtain what we wanted. Notre pasteur Chuck Smith a une histoire encore plus drôle. Our pastor Chuck Smith has an even funnier story. Il explique que quand il était jeune, il était amoureux et perdu d'une jeune beauté. He explains that when he was young, he was completely in love with a young, beautiful woman. Et il suppliait le Seigneur de la lui donner comme épouse. And he begged the Lord to give her to him as his wife. Mais rien n'y faisait. Le Seigneur ne lui a pas donné cette femme comme épouse. But nothing happened, and the Lord did not give her to him as a spouse. Il lui a donné une autre femme qui a été un grand, grand soutien dans son ministère. Une jolie femme aussi. He gave him another beautiful wife who was a very strong support to him in his ministry. Et aux États-Unis, il y a cette tradition où on se retrouve 20 ans après le bac, 30 ans après le bac, 40 ans après le bac. And in the United States, there's a tradition where people come together 10, 20, 30 years after their baccalauréat, their high school. Et qu'il dit qu'en fait, une réunion de 40 ans après, and he speaks of a reunion 40 years later. Il a revu l'amour de sa jeunesse. And he saw the love of his youth. Et il a dit, merci Seigneur. And he said, thank you, Lord. On ne cite pas de nom. We're not quoting her name. Je crois qu'il a toujours évité de la nommer aussi. And he's never named her either. Mais là, nous allons voir que un moment de triomphe dans la vie de David, au chapitre 8. But in chapter 8, we're going to see a period of triumph in David's life. Tout lui réussit. Everything succeeds. David, lorsque le Seigneur a dit non, il ne s'est pas trop battu, il a accepté la volonté de Dieu. When the Lord said no, David didn't resist. Il a compris que le Seigneur lui donnait une maison qui allait durer pour toujours, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. He understood the Lord promised him a house that would last forever, even though he didn't fully realize what that meant. Et lorsqu'on accepte la volonté de Dieu dans nos vies, and when we accept God's will in our lives, lorsqu'on obéit à ce qu'il nous demande, and we obey what he asks of us, alors il bénit au-delà de toute espérance. He blesses beyond all our hopes. Nous allons lire ensemble courtement le chapitre 8. Let's read together the chapter 8. Page 320 dans la Bible à la colombe. Première partie de la Bible, verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les rênes de la capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il leur mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, soumis à un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1 700 cavaliers et 20 000 fantassins. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait après en avoir conservé une centaine. Les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 hommes en Syrie. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David, soumis à un tribut. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs de Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une très grande quantité de bronze à Béta et Bérotaï, ville de Hadadézer. Toï, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadézer. Il envoya son fils Joram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toï était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des objets d'argent, des objets d'or et des objets de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris à toutes les nations qu'il avait vaincues, à la Syrie, à Moab, aux Ammonites, aux Philistins, à Amalek et sur le butin de Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. David se fit encore du renom au retour de sa victoire sur les Syriens, au nombre de 18 000, dans la vallée du Sel. Il mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. David régna sur tout Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruya, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Ahioud, était archiviste. Tsadok, fils d'Ahitoub, et Ahimelech, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Seraya était secrétaire. Beniaou, fils de Yehoiada, était avec les Kéréniens et les Pélétiens. Et les fils de David étaient prêtres. Les triomphes de David. So the victories of David. En fait, si vous regardez sur une carte de la région de l'époque, if you look at a map of the region of that period, si vous avez une Bible à la colombe, vous pouvez regarder au tout début, mais simplement il suffit de savoir que de tous les côtés, David remporte des victoires. We can see that on all sides, David was winning victories. D'abord à l'ouest, les Philistins, qui étaient vraiment une plaie pour Israël depuis que Goliath et ses successeurs attaquaient Israël. C'était un ennemi permanent de longue date. First on the west, the Philistines, who had been enemies of Israel for a long time. Je rappelle au passage qu'ils n'ont rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. And Pierre, au point just de wants... vue de la généalogie raciale. Pierre wants to make a remark, a note, that the Philistines have nothing to do with the Palestinians of our day. Souvent, les médias font la confusion en disant oui, il y avait déjà la guerre entre les Palestiniens et Israël. Ce n'est pas du tout le cas. Media often makes the mistake of saying there has always been war between the Israelis and the Palestinians, which is not so. Au nord, David remporte des victoires sur la Syrie. And in the north, David had victory over the Syrians. À l'époque, il y avait deux groupes, les Syriens de Damas et les Syriens de Tsoba, avec le roi Hadadézer. There in that day were two groups, the Syrians of Damascus and the Syrians of Hadar. Hadadézer, roi de Tsoba. And with the king Hadadézer. Verse 5. In verse 5. À l'est, il avait remporté des victoires sur les Moab. And then he had victory over Moab. On the east. In the east. Et au sud, sur la population d'Édom. And in the south, the population of Edom. Et à deux reprises, la parole, inspirée par l'Esprit Saint, nous dit « L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait ». And twice the Holy Spirit inspires the words, the Lord helped David, giving him victory wherever he went. C'est répété au verset 6, au verset 14. In verse 6, in verse 14. Où qu'il se tourna, il était victorieux. Wherever he turned, he was victorious. D'abord contre les Philistins. First of all, against the Philistines. Ça nous rappelle qu'il avait remporté la victoire contre leur géant Goliath. It reminds us when he had victory over their giant Goliath. Et déjà à l'époque, vous vous souvenez qu'il se disait que c'était pas la force de l'adversaire qui l'impressionnait, c'était le fait de savoir que Dieu était avec lui. Even then, he avec said, David lui-même. It wasn't the strength of the enemy that was a problem for him. He had God with him on his side. Et de la même façon ici, aucun adversaire, la force d'aucun adversaire, la taille de leurs troupes, leur nombre de ressources en hommes, en chariots, en chevaux, en armes, rien ne l'impressionne. And in the same way here, the size of the troops, the enemy, their resources, their horses, chariots, nothing worried David or impressed him. Il sait que Dieu est avec lui. He knows that God is with him. Et nous allons voir et nous allons revenir sur le fait qu'il ne fait confiance qu'à Dieu. And we will see that he only trusts in God. Est-ce que nous avons des combats à mener, des défis qui nous attendent dans notre vie? Do we have battles to fight or things that are challenging us in our own lives? Le secret de la victoire, c'est de ne dépendre que de Jésus-Christ seul. The secret of victory is depending on Jesus Christ alone. Nous y reviendrons. We'll come back to this. Il est dit qu'il enleva de la main des Philistines les rênes de la capitale. It tells us in verse 1 that David took control of the chief city of the Philistines. Voilà, d'autres versions utilisent le terme hébreu de Metheg Ama, et ça veut dire les rênes de la capitale en hébreu. Other versions use a different word that refers to the capital of the city in Hebrew. Mais Gath, la ville de Goliath, la capitale des Philistins, avait été comme quelque chose qui avait bridé, qui avait conduit Israël, et maintenant c'est lui qui va prendre cette main de sa main. De leurs mains plutôt, les rênes, c'est lui qui va prendre le contrôle de cette région. And this area of Gath was an area that dominated the Israelis for a long time, and we'll see that David is going to take control of this area. Ça c'était donc à l'ouest. So that's on the west. Du côté de l'est, du côté de Moab. And on the east, on the side of Moab. Vous vous souvenez peut-être de l'origine des Moabites et des Ammonites. Do you remember the origin of the Moabites or Ammonites? Dans la Genèse, on lit que c'est en fait les deux filles de Lot qui ont eu des rapports sexuels avec leur père parce qu'elles avaient peur de ne pas avoir d'enfants. In Genesis, there is the story of the two daughters of Lot who had relationships with their father. They were fearful they would not have children. Et ils ont donné naissance ainsi à la race des Moabites et celle des Ammonites. And from that they gave birth to the nations of the Moabites and the Ammonites. Ce sont des régions qui aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle l'état de Jordanie. Today they would be in the country of Jordan. Lorsqu'on lit ce chapitre 8, il est bon de revoir un peu deux psaumes qui ont été écrits à la même époque et qui parlent de ces événements, le psaume 60 et le psaume 108. As we read this chapter 8, it's good to refer to two psalms written during this time, psalm 60 and psalm 108. 108. On va regarder juste un verset ou deux dans le psaume 60. Let's just look at one or two verses in psalm 60. Et c'est Dieu qui parle par David. It's God speaking through David. Et dans la Bible française, c'est le verset 10, où il est question de Moab. Ça doit être le verset 9 dans la Bible. Je ne sais pas si c'est 9 ou 10, Moab. In verse 9 or 10, it makes reference, depending on your translation, to Moab. Il est dit, Moab est le bassin où je me lave, et sur Édom, je jette ma chaussure, pays des Philistins pousse une clameur contre moi. It says, Moab is my washbowl, over Edom I shall throw my shoe. C'est un terme de dédain, de mépris. En fait, c'est gens qui se battaient contre Moab, maintenant il peut les utiliser pour se laver les pieds. It's a degrading term that they're referring to as using this area to wash their feet in. Sur Édom, dont il est question à la fin du chapitre 8, verset 14. It talks about Edom at the end of chapter 8, in verse 14. Il est dit qu'il jette sa chaussure. And it says that he will throw his shoe. C'est aussi un terme de mépris, de pour montrer qu'on est le maître et qu'eux sont les esclaves. It's a term showing disdain, communicating that they are the masters and that the Edomites will be the slaves. Et le verset 2, vous avez peut-être dû le relire deux fois et peut-être vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce qui se passe. And in verse 2, you would have probably had to read it a couple times to understand what was happening. Et même en lisant, on se demande, c'est une coutume de l'époque, apparemment. in chapter 8 in 2 Samuel. Apparently this was a custom of the time. Il bâtit les Moabites, les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, soumis à un tribut. Ils devaient payer un impôt. Read verse 2 to us. C'est une punition très sévère. It's a very severe punishment. Mais qui est, on pourra dire, qui n'extermine pas complètement ses adversaires. But it doesn't exterminate completely the adversaries. Peut-être dans une mesure de grâce. Maybe in a measure of grace. Mais je ne sais pas exactement, j'ai pas vu de film pour voir comment ça se passait. Pierre doesn't know exactly, he didn't see a movie showing us how this happens. Mais c'est un peu comme si on disait, bon ben, ces deux rangs là, vous serez exécutés et vous, au troisième bloc, vous aurez la vie sauve. It's kind of as if he said, you two go over there, you will be executed, and you go over here, you'll be saved. Yeah. Les gens sont par terre et on passe trois cordes et les deux premiers groupes qui sont délimités par les deux premières cordes sont voués à la mort et les autres sont voués à la vie. So the people are laid on the ground and cords or ropes are passed and some on a certain side are destined to die and the others are safe. Et on peut imaginer qu'il y en a qui essayent de ramper en vitesse sur la bonne corde. And we can imagine people trying to slink over to the safe side. Avant-hier, on est allé dans un magasin qui normalement est réservé aux professionnels. Yesterday, we went into a store that is normally reserved for professionals. Pour regarder des carrelages. To look for some tile. Et je savais que c'était normalement ils demandent une carte, mais je pensais qu'on pouvait au moins aller voir ce qu'il y avait comme matériaux. We knew they required a card, but we thought we could go in and just look. Et donc, on était trois avec Nancy et Kendall, et on a marché droit en pensant que la petite portillon allait s'ouvrir. So the three of us walked straight in, thinking the little gates would open for us. Et en fait, on est buté contre le petit portillon, on l'a presque cassé. But we ran up against the gates, almost broke them. Et on a dû attendre, puis finalement, pour demander comment on pouvait rentrer, si en tant qu'association on pouvait avoir accès. But we had to wait and ask questions about how to get access as an association. Quelque part, on était un peu honteux d'avoir été pris. We were a little embarrassed to have been caught. Et puis, ils n'étaient pas du tout impressionnés par nous. Je crois qu'on a attendu une dizaine de minutes. Finalement, on a décidé que ce n'était pas la peine. But they obviously weren't impressed and we were waiting for several minutes and then finally just gave up. Mais j'ai dit à Kendall, you know, ça me fait penser qu'un jour on nous demandera qu'avez-vous fait de Jésus. But Pierre said it to Kendall, it reminded him that one day we're going to be asked, what have you done with Jesus? Est-ce que vous avez la carte? Do you have the card? Est-ce que votre nom est marqué dans le livre de vie? Is your name marked in the book of life? Et là, il sera trop tard. And it will be too late. Vous serez dans la honte. Either you'll be ashamed. Et vous serez voué à la destruction pour l'éternité. And condemned to eternal destruction. C'est la vérité. That is truth. Que faites-vous de Jésus? What do you do with Jesus? L'acceptez-vous comme votre Seigneur, votre Sauveur? Do you accept him as your Lord, your Savior? Ou vous le rejetez en pensant que tout ça c'est des histoires de religion, que elles se valent toutes, elles sont toutes mauvaises parce qu'elles conduisent les gens à se diviser? Or do you just reject him and say that it's just another religion? Un jour, il faudra répondre à cette question et il n'y aura plus le temps de se glisser sous le portillon. One day you will have to answer this question and there will no longer be time to slip through the gate. David ensuite s'attaque aux Syriens au nord. And moving on, we see that David then attacks the Syrians in the north. Encore une fois, il y avait deux groupes, ceux de Damas et ceux de Tsoba. Remember the two groups, one in Damascus and one in Zora. Tsoba. David n'est pas impressionné par le nombre de troupes, il attaque, le Seigneur est avec lui, il remporte la victoire. He's not afraid of the numbers of troops he's attacking against him, and the Lord gives him victory. Et là, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'était vraiment sanguinaire et inhumain. And many of you may be thinking this is quite bloody and inhuman. Mais il est dit que il coupe les jarrets des chevaux. It tells us that he cuts the hamstrings of the horses. C'était plutôt pour les amateurs d'animaux, ceux qui aiment les animaux. For those of you who love animals. Je crois que Dieu veut que nous aimions toute sa création. God wants us to love all his creation. C'était la façon la plus rapide de les mettre hors d'état de nuire. It was the quickest way to put them out of service. Barbara, c'est que si on touche à vos jambes. Barbara knows if you touch our legs. Moi, je sais, j'ai fait ça avec mon poignet. On est plus bon pour le combat si on a une blessure. We're no longer good for battle if we have a wound. Et là, c'était aussi les voués à la mort parce qu'ils pouvaient plus se relever, ils pouvaient plus chercher de la nourriture. C'était une façon radicale, peut-être cruelle, c'est vrai, mais. So it's true. They were condemned to death there. They could no longer get up. They could no longer search for food. It seems a bit cruel and radical. It's true. Mais c'était un commandement biblique. But it was a biblical commandment. Tournons-nous ensemble au chapitre 17 du Deutéronome. If you turn to chapter 17 in Deuteronomy. Dieu savait qu'ils allaient réclamer un roi. God knew that they were going to reclaim or ask for a king. Et à partir du verset 14, Dieu disait, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Pierre read for us verses 14 through 16, where it talks about the king God will give them, not multiplying for himself his horses, or causing the people to return to Egypt to multiply their horses. L'Éternel avait continué en donnant deux autres préceptes. And the Lord goes on to talk of two other precepts. Et on verra que David n'a pas su respecter le second précepte. And we will see that David didn't honor the second precept. C'est Deutéronome 17:17, facile de s'en rappeler, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. The Lord is giving precepts for the king, and in verse 17 it says, neither shall he multiply wives for himself, nor greatly increase silver and gold. Ces trois choses restent toujours des sujets de chute pour beaucoup d'hommes et de femmes. These three things always have remained a cause of stumbling for many men and women. La recherche de puissance. The search for power. Être le meilleur, être le plus connu, être le plus glorieux. To be the best, the most well-known, the glorious one. Les femmes ou les hommes. Seeking pour avoir des relations men avec or, eux, avec elles. Seeking men or women to have physical relations with. Et l'attrait de l'argent. And the attraction of money. Satan utilise toujours ces trois tentations dans nos vies. Satan still uses these three areas of temptation in our lives. Qu'on soit roi ou qu'on soit un commun des mortels. Whether we are kings or just a common mortal. Mais David n'a pas voulu de cette puissance des chevaux. But David didn't desire this strength of horses. Et dans le psaume 20, and in Psalm 20, au Verset 7. Verse 7. Un verset que on avait appris par cœur en faisant une étude pour certains d'entre nous. Some of us learned this verse by heart during our studies. Et c'est David qui l'écrit. It's David who wrote it. Les uns c'est à leur char, les autres c'est à leurs chevaux, mais nous c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. He says, some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Regardez aussi le psaume 33. And we can look also at Psalm 33. Verset 16. Verse 16. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. It tells us the king is not saved by a mighty army, a warrior is not delivered by great strength, a horse is a false hope for victory, nor does it deliver anyone by its great strength. On voit aussi que David, lorsqu'il obtient tous les boucliers d'or qui appartenaient aux troupes d'Hadadézer, and we see that when David receives all the breastplates of this king Hadadezer, il aurait pu penser les mettre dans sa belle résidence, son propre palais. It's the shields of gold. He could have put them in his own palace. Mais il les met de côté, ainsi que le bronze qu'il récolte. Et d'autres objets d'argent et d'or et de bronze. But he puts them aside along with the things, the items of bronze and the money he collects. Verset 11, il est dit qu'il les consacre à l'Éternel. And verse 11 tells us he dedicated them to the Lord. Il faisait ça avec toutes les richesses, l'argent et l'or qu'il recueillait auprès dans ses victoires. And he does this with all the wealth and money he gathers in his victories. Gardez cela pour la construction du temple de Dieu. He's saving it all to build the temple for God. Il est dit qu'il se fait encore du renom au retour de sa victoire. Verset 13. In verse 13, it tells us that he was making a name for himself. On parle de lui comme d'un grand homme. And he's spoken of as a great man. Mais il met des. Ensuite, c'est la victoire dans Édom. And then he has another victory in Edom. Il assujettit toutes ces peuples. Il les impose, c'est-à-dire qu'il leur fait payer des impôts. So he subjects all these people, and they are required to pay taxes. Et il est dit que l'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. And it tells us that David wins victory wherever he goes. Verset 15 résume la situation. Il régnait sur tout Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. And verse 15 summarizes it all. David reigned over all Israel and administered justice and righteousness for all his people. Les derniers versets nous font part de l'organisation de son gouvernement. And the last verses tell us of how he organized his government. L'Éternel était avec David. The Lord was with David. Mais c'est pas pour autant que David ne faisait pas tous ses efforts. But it wasn't, even in spite of that, David made all these efforts. Pour utiliser ses dons d'organisateur. Using his gifts as an administrator. Les choses étaient organisées. Things were organized. Il y a une fâcheuse tendance, notamment chez les évangéliques. There is this tendency amongst evangelicals. À ne pas être professionnel. To not be professional. À ne pas avoir les mêmes attentes que le monde a des employés. To to not have the same expectations that the world asks of its employees. De penser que si le Seigneur est avec nous, on peut faire n'importe quoi, c'est lui qui remporte les victoires. Non, on voit là comment David organisait, comment tout était mis en place, comment tout était structuré. It's the thought that the Lord's with us, we don't really have to worry about things, but we see here a very concrete example of everything having its place and position. Alors, il ne s'agit pas de mettre notre espoir ou notre espérance de réussite dans l'organisation. We're not talking about putting our hope of success in our organization. C'est le Seigneur. It's the Lord. Il utilise l'organisation. But he uses organization. Il a besoin de personnes qui s'engagent. He needs committed people. De personnes qui sont responsables de leur engagement. People who assume responsibility for their commitments. Si vous êtes engagé à faire quelque chose, arrivez à l'heure. If you're committed to do something, get there on time. Si vous ne pouvez pas pour une raison quelconque, valable ou pas même. And if you can't make it for any reason, justified or not. Assurez-vous que quelqu'un d'autre va prendre votre place et assurer la tâche. Be sure you find someone else to take your place and fulfill the task. Je parlais avec un jeune qui a organisé un grand rassemblement à Valence l'an dernier. Pierre was speaking with a young person who organized a great meeting conference last year in Valence. Qui a été un grand succès. That was very successful. Mais j'étais surpris et en même temps conforté dans mes sentiments. C'est un gars qui s'est formé spécialement pour l'événementiel. But Pierre was surprised and it confirmed to him this young man was especially trained to organize large events. C'est un métier. It's a job. Et on a besoin de plus en plus de professionnalisme dans l'Église. And we more and more need professionals in the church. Si on veut être capable d'être en compétition avec les médias, if we want to be in competition with the media, avec les spectacles, with the events that are happening, avec l'université, with the universities, si il n'y a pas de gens qui étudient sérieusement la Bible, if there are not people who seriously study the Bible, les intellectuels qui rejettent la Bible ont vite fait de dire qu'on est tous des bons à rien. The intellectuals who reject the Bible can easily convince people that it's good for nothing. On a besoin de musiciens professionnels. We need professional musicians. On a besoin de journalistes chrétiens. We need Christian journalists. On a besoin d'hommes politiques chrétiens. We need politicians who are Christian. C'est vrai qu'on a besoin de missionnaires, de pasteurs, de formateurs, mais pas seulement. It's true. We also need missionaries, pastors, leaders in the church, but that's not all. Quelle que soit votre voie, vos dons, whatever your path is, whatever your giftings are, recherchez l'excellence. Seek excellence. Si vous le faites comme pour le Seigneur. If you're doing that, you're doing it as unto the Lord. Si vous venez faire le ménage, faites-le du mieux que vous pouvez. Et je vous remercie pour tous ceux qui le font et qui le font vraiment avec conviction. C'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. Even if you're just doing the cleaning, do it, and we thank those who do it here. Do it for the Lord. It's not for me, it's not for you, it's for the Lord. Dieu protège et bénit ceux qui lui obéissent, il punit et corrige ceux qui lui désobéissent. The Lord protects and blesses those who obey and he punishes those who disobey. Dieu protège et bénit ceux qui lui obéissent, il punit et corrige ceux qui lui désobéissent. Je répète. C'est simplement pour dire qu'en fait, ces victoires de David, c'est pas au hasard, c'est parce que Dieu bénit cet homme selon son cœur. And this is to support the idea that God is blessing David because he's a man who obeyed God. Peut-être parmi nous, il y en a qui se disent, bon, c'est bien beau l'histoire de Samuel, c'est un peu dépassé tout ça. And some of you once again may be thinking, yeah, this is an old story in the Bible, it's in the past. Ça doit faire 2000, 3000 ans, 3500 ans peut-être que ces histoires se sont passées. 2000, maybe 3500 years ago this all happened. La parole de Dieu est parfaite pour nous instruire. But the word of God is perfect to instruct and teach us. 2 Timothée 3:16, un petit rappel. 2 Timothy 3:16 reminds us. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work. À l'époque, la parole de Dieu, c'était essentiellement l'Ancien Testament. In that day, the word of God was basically the Old Testament. Et donc ce récit, and this story, il est fait pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous redresser, pour éduquer dans la justice, pour que nous soyons préparés à faire des bonnes choses pour Dieu. Was written to teach us, to reprove us, to correct us, to train us for righteousness, that we might be equipped. Cette histoire ancienne, antique, this ancient story of antiquity, elle nous parle de la fin des temps. Speaks to us of the end times. De la façon dont Jésus, le fils de David, l'ultime David, en quelque sorte, va remporter la victoire sur tous les ennemis. It tells us the way that Jesus, the for whom David was a type, is going to take all the victories. Cette histoire a une application donc pour la fin des temps, on dirait, pour être pédant, eschatologique. This story has a message referring to the end times. We call that a term eschatological. Mais cette histoire a une application pratique pour aujourd'hui, pour vous et pour moi. But it also has a very practical application today for you and for me. Si on regarde les différents types de victoires, if we look at the different kinds of victories, il y a des leçons pour nous. There are lessons for us. Les Philistins, c'est un type des problèmes que nous avons depuis longtemps dans notre vie spirituelle. The Philistines are a type for problems that we've had for a long time in our spiritual lives. Des choses avec lesquelles nous nous sommes compromis. The things that perhaps have allowed compromise in our lives. Nous avons laissé certains péchés subsister. We allow certain sins to exist. Il faut être radical avec ces choses. We have to be radical with these things. Moab, c'est aussi une punition sévère, c'est radical. Moab also is an example of a severe punishment, radical. Nous pouvons demander l'aide de David pour nous débarrasser de certaines choses dans nos vies. We can ask for David's help to be rid of certain things in our lives. Il y a des combats contre des alliances. On voit entre l'alliance de Tsophar et Damas. There are battles against enemies allied together. Peut-être que dans votre vie, il y a des alliances à revoir et à combattre. Maybe there are alliances in your life that you need to look at and fight against. Peut-être qu'il y a des amitiés que vous devez interrompre. Parce qu'elle ne vous mène à rien qu'à vous éloigner du Seigneur. Maybe there are friendships in your life that you should end because they aren't helping you, they aren't leading you towards the Lord. Il y a des choses que peut-être vous dites c'est mon tempérament. And there may be things that you are just saying that's part of my temperament. Mon nom c'est Petrignani. My name's Petrignani. Mon prénom c'est Pierre Paul. My first name is Pierre Paul. En Corse, c'est Pedro Paolo Petrignani. In Corsica, you would say it like that. Et on sait que les Corses, ils sont coléreux. And we know that Corsicans have a tendency towards anger. Donc je peux justifier ma colère en disant c'est ma nature. And so he can justify his anger by saying it's my nature. Ou bien je suis né aux Antilles. Or you might have been born in the Antilles. Et je peux justifier ma paresse en disant que c'est l'air des îles. And you might justify it saying, oh, that's just a part of being from the islands. Non, si c'est contre la volonté de Dieu, il faut lui demander son aide pour les vaincre. No, if it's against the will of God, you have to ask his help so that you can be victorious over it. Ici, un auteur, Alan Redpath, a dit on voit la stratégie du ciel. And an author, Alan Redpath, says that we can see the strategy of heaven here. Dans la vie de David ici, on voit trois choses. In the life of David here, we see three things. Première chose, c'est qu'il détruit toute forme de fausse force. The first thing he does is to destroy every form of false strength. Les chevaux, ça a l'air puissant, mais c'est pas vraiment ce qui compte. Horses appear to be strong, but in fact, that's not what counts. Peut-être que vous vous dites, si j'avais le dernier Apple, alors là, j'arriverais à faire des études bibliques vraiment sérieuses. And you might be thinking, if I had the latest version of Apple, I might really be able to do some heavy Bible study. Avec des références, des vidéos, des DVD. References, videos, DVDs. Tout ce qu'il vous faut, c'est prendre le temps de lire votre parole, la parole de Dieu. But all you really need is to take the time to read God's word. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en acheter après le culte ou on peut vous en donner. If you don't have a Bible, you can buy one here after service or we'll give you one. On a tendance, c'est vrai, à mettre nos espoirs dans des choses qui ne sont pas dignes de confiance. We have a tendency to put our hope in things that are not worthy of our trust. On se dit qu'en fait, si on avait plus d'argent, we say if we had more money, l'Église pourrait faire plus de missions d'évangélisation. The church could do more evangelism. Donc on va excuser notre paresse parce qu'on n'a pas d'argent. So we excuse our laziness because we don't have money. On va excuser notre timidité, la peur d'être rejeté. Parce qu'on n'a pas un groupe d'évangélisation. We excuse our own timidity, our fear of being rejected because there's not a team for evangelism. Lorsqu'on met notre confiance dans des choses qui n'en valent pas la peine, tôt ou tard, le Seigneur nous le montre. And when we put our trust in things that are not worthy of our trust, sooner or later the Lord will show us. Destruction de toute fausse force, consécration des fruits de victoire, de la victoire. So destruction of all false strength and then consecration to the fruit of victory. Tout ce qu'il récupérait de ces victoires, il les gardait pas égoïstement, il les gardait pour la gloire de Dieu. So all that he brought in from his victories, he consecrated and kept for the Lord. Peut-être que grâce à vos prières, le Seigneur vous a permis de prendre de bonnes décisions dans votre business ou dans votre profession. And maybe through your prayers and requests, the Lord has blessed you with making good decisions in a business affair. Et vous avez obtenu une augmentation. And you may have been given a raise. Est-ce que vous consacrez au moins une partie de cette augmentation? Do you consecrate at least a part of this raise? À l'œuvre de Dieu? To the work of God? Vos enfants que vous avez élevés dans les voies de Dieu veulent maintenant être missionnaires. Or your children that you've raised in the ways of the Lord now want to become missionaries. Est-ce que vous les consacrez, ces enfants, au service de Dieu? Do you consecrate these children to the service of God? Ou vous leur dites, il ne faut pas être fanatique. Or are you saying you can't be a fanatic? Tu peux servir dans l'église, tu auras un bon salaire comme ingénieur. You can serve in the church, you'll get a good salary as an engineer. Et puis si jamais j'ai des difficultés, peut-être tu pourras m'aider aussi. And then maybe if I need something, you could help me. dans mon vieil âge. In my old age. Destruction de fausses forces, consécration des fruits de la victoire et rejet de tout compliment. So destruction of false strength, consecration of all the fruits of victory and rejet de toute adulation, de tout compliment. Rejection of all praise or compliments. Est-ce que lorsqu'on vous complimente au travail parce que vous avez une bonne idée que vous avez eue en ayant prié? When people compliment you at work because you had a good idea, maybe after having prayed for it? Est-ce que vous dites, oh, c'était rien pour moi d'avoir une si bonne idée? Do you respond with, oh, it's nothing for me to have good ideas? Ou est-ce que vous dites, en fait, c'est parce que j'ai demandé à Dieu son aide? Or do you acknowledge it's because I asked God for his help? Si vous rejetez les compliments et que vous remettez la gloire là où elle appartient, if you reject the compliments and turn the glory to where it should be turned, alors Dieu va pouvoir continuer à vous utiliser. God can continue to use you. Continuer à vous bénir. Continue to bless you. Continuer à vous surprendre. And continue to surprise you. Cette vieille histoire, elle est pleine d'enseignements pour nous aujourd'hui. This old story is full of teachings for us today. On se bat peut-être plus avec en coupant les jarrets des chevaux, avec les lances et des boucliers. We may not be waging battles with horses and shields and breastplates. Mais nous savons que nous avons toujours trois ennemis. But we still have three enemies. Le diable. The devil. La chair. The flesh. Et notre vieille nature. Our old nature. C'est les mêmes, ça. And the world. Le monde, merci Nancy. Trois ennemis. Three enemies. Si nous voulons les détruire, une stratégie, pas de fausse force, consécration et donner la gloire à Dieu. And if we want to destroy them, we should use these three strategies. Don't Amen. Rely on false strength. Consecrate the fruit of your victories and give the glory to he who deserves the glory. À ton nom, Seigneur, et à ton nom seul, toute la gloire. Amen. To your name, Lord, and only to your name. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Pour sa profondeur, pour sa pertinence. For its depth, for its pertinence. Pour sa puissance. For its power. Seigneur, aide-nous à non seulement la lire, la connaître. Lord, help us not just to read it, to know it. Mais nous te demandons de nous aider à la mettre en pratique. But we ask you to help us to put it into practice. Pour ta gloire. For your glory. Et bien sûr, de façon automatique pour notre satisfaction, pour notre paix, pour notre bénédiction. And of course it will follow that it will bring us satisfaction and peace. Sois glorifié dans la vie de tes enfants cette semaine, Seigneur. Be glorified in the lives of your children this week, Lord. Montre-nous tous là où tu veux changer les choses dans nos vies. And show each one of us where you desire to change things. Rappelle-nous qu'avec toi, tout est possible. And remind us that with you, all things are possible. Tu peux nous libérer des choses qui nous entravent depuis longtemps. You can free us from those things that have held us for so long. Tu peux nous diriger, tu peux nous utiliser. You can guide us and you can use us. Sois glorifié, Seigneur. Be glorified, Lord. Amen. Amen.